bonsoir et bienvenue à tous sur l'antenne de RDB pour la troisième émission de Zik Actu, votre magazine d'actualité musicale. On va parler évidemment de la fête de la musique, la grosse actualité de ce week-end. Et voilà, en attendant de savoir ce que vous avez fait ce week-end pour la fête de la musique, moi je vais vous raconter ce que j'ai fait. Donc j'étais à Zikandaise, un festival en Ardèche. Et j'ai notamment pu écouter un groupe que je voulais voir depuis longtemps et que j'ai trouvé très très bon, qui s'appelle Maccabée et le Zombie Orchestra. On écoute tout de suite. Ils ont l'œil et le ventre vide, ils traînent la patte dans les allées, le visage complètement livide, les zombies de supermarché. Ils déambulent dans les rayons, poussent lentement leur caddie avec des merdes en promotion et des légumes bientôt pourris. Ils sont scotchés dans leur salon, la gueule ouverte et l'œil figé, bloqués devant la boîte à con, les zombies lobotomisés. Le cerveau matraqué d'imagines ressemble à de grosses limaces, ils font le double de leur âge et commencent à pourrir sur place. Défilé de perruques grises, ça sent la mort et la morue. Les zombies s'en vont à l'église. Ils veulent pardonner leurs péchés, attendre l'heure du grand jugement, mais ont tellement peur de crever qu'ils en oublient qu'ils sont vivants. Debout les morts, réveillez-vous. C'était Maccabée et le Zombie Orchestra, donc, que vous avez peut-être vu aussi à Zikandaise ce week-end. Voilà un super festival que je vous conseille. C'est toujours pour la fête de la musique, le vendredi et le samedi. Une super ambiance et puis des super groupes. Donc voilà, Maccabée, un très bon, très très bon groupe. C'est déjà leur deuxième album que vous pouvez donc écouter sur Internet, sur Spotify, sur Deezer, je ne sais guère. Et l'album s'appelle Mazo. Donc un groupe de punk, j'ai envie de dire punk rock'n'roll swing. En tous les cas, sur scène, il y avait un côté, une énergie punk incroyable et un côté décalé et voilà, polémique, provoquant, que j'aime beaucoup, qu'on retrouve sur le morceau que je vous ai passé. Dans la quinzaine qui vient de passer, on a aussi pu voir, participer, en tous les cas à distance, à une actualité qui, moi, me tient à cœur, c'est l'E3, le salon international de jeux vidéo. Et on a pu notamment découvrir un nouveau trailer d'un jeu qui s'appelle Assassin's Creed Unity, qui se passera donc pendant la Révolution française à Paris. Et ce trailer est magnifique, et donc je vous le conseille. Et surtout, le propre des trailers d'Assassin's Creed, c'est que la musique est toujours incroyable et parfaitement mise en image, donc, avec le jeu. Et là, la musique, ce coup-ci, c'est Lord. Welcome to your life. There's no turning back. even while we sleep. We will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to Kid avec Iron sur The Cactus. Voilà, Gaëtan souligne sur internet l'effet héroïque des cuivres. Voilà, moi je trouve que c'est même carrément épique et donc forcément pour un teaser de jeu vidéo, ça claque. Donc ça c'était Woodkid. Juste avant on écoutait Lord. Donc Lord, c'est une jeune fille de 17 ans qui a été repérée à 13 ans lors d'un concours scolaire par sa maison de disques. Donc qui est très très jeune et je trouve qu'elle a une voix vraiment chouette avec vraiment des émotions profondes. Et ce morceau est très beau. En fait, il est pas exclusif au trailer d'Assassin's Creed Unity. On le retrouve notamment dans la bande originale du film The Hunger Games. Donc voilà, dont le deuxième épisode est sorti il y a quelques mois. On continue notre émission et donc notre parcours de l'actualité avec une actualité qui date pas mal en fait. Elle date de fin 2013, c'est la sortie de l'album de Bertrand Cantat, mais pas que, donc avec le groupe Détroit. Ça date de fin 2013, mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler parce que finalement on n'est pas obligé de s'enfermer dans les actualités vraiment dans le mois qui précède. Parce que voilà, cette émission, c'est seulement la troisième émission. Il y a plein de trucs qui se sont passés, on va dire, dans les six derniers mois dont j'ai envie de parler. Six derniers mois, voire un peu plus, là, pour le coup. Et donc, ils ont sorti un album. Bertrand Cantat et le bassiste, notamment d'un groupe qui s'appelle 16 Horsepower. Donc, cet album s'appelle Horizon. Voilà, Bertrand Cantat, moi, j'écoute toujours avec une émotion bien particulière, parce que c'est quelqu'un qui a fait l'actualité une bonne dizaine d'années avec un homicide. En fait, il a tué sa compagne en Lituanie, donc c'est un truc assez fort, assez plombant. Voilà, je suis désolé de vous plomber comme ça à cette heure, à 20h14, mais... Et donc, tous ces textes, en fait, voilà, son passage en prison, et tous ces textes portent vraiment un sens supplémentaire, donc particulièrement quand il reprend cette chanson de Ferré avec le temps. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, c'est très bien. Entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça taille une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps. les passions. Elle en oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Détroit sur RDB avec une reprise de Léo Ferré avec le temps. Voilà, je suis désolé, c'est encore un peu plombant, mais bon, ce soir ça va pas être très festif finalement ma programmation. Voilà, donc Bertrand Cantat qui était le leader donc de Noir Désir et voilà, comme j'en parlais juste avant, il y a tous ces mots ont vraiment un sens différent. Voilà, depuis qu'il est passé en prison, faut savoir que Bertrand Cantat, je sais pas si c'est votre cas, si vous êtes né au début des années 80 ou à la fin des années 70, mais ça a été vraiment personnellement un maître à penser, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, quelqu'un qui était politiquement et ben finalement toujours un peu au bon endroit, qui avait aussi les mots justes et qui était un peu toutes les causes et toutes les causes que moi aussi j'avais envie de défendre. Sauf que voilà quoi, jusqu'au moment où il a commis un homicide et du coup on sait plus tellement quoi penser, ça change rien à sa musique, ça c'est sûr. Mais pour arriver à juger sa personne et donc ce Bertrand Cantat en tant qu'artiste sans penser à ça, c'est assez compliqué. Donc voilà, puisqu'on parle de Bertrand Cantat, il faut quand même qu'on écoute Noir Désir. On écoute un vieux morceau, parce que il date d'un live qui s'appelle Yes Irei, qui est sorti juste après leur album Tostaki, qui date donc déjà pas mal, et c'est un morceau qui s'appelle Les Écorchés. Qui me sauve à tout le point. C'était donc Les Écorchés, version Noir Désir. Donc sur l'album Désiré, sur l'album live en fait. On écoute en même temps l'introduction d'une reprise, donc toujours du même morceau, mais par Eiffel, dont, un groupe dont on a pas mal parlé il y a deux semaines, avec lequel j'ai ouvert donc l'émission. Pour l'instant c'est un peu étrange, mais vous allez voir, ça va devenir... on va reconnaître le morceau. Du coup ça me laisse le temps un peu de reparler de Noir Désir, et notamment du guitariste de Noir Désir, Serge Tessoguet. Donc voilà, Noir Désir, pour moi c'était quand même deux leaders. Il n'y avait pas seulement Bertrand Cantat, il y avait Serge Tessoguet qui avait vraiment sa personnalité. Et donc Serge Tessoguet, voilà, une fois que Bertrand Cantat est sorti de prison, ils ont repris un peu les répètes avec Noir Désir. Et puis il y a un moment où ça s'est arrêté, où on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, ils ont décidé de ne pas continuer de jouer ensemble. Et donc voilà, Serge Tessoguet a continué sa route, il avait déjà bien commencé pendant le passage en prison de Bertrand Cantat, notamment avec des groupes qui s'appellent Zone Libre et Interzone. On trouve un peu de la fusion en fait entre le hip-hop, donc on en parlera pas mal tout à l'heure du coup du hip-hop, et son rock et son son de guitare torturée. Il joue notamment avec une rappeuse qui s'appelle Kazé. Voilà, on aurait pu écouter ça aussi, vous pouvez l'écouter chez vous aussi, ça vaut le coup. Je vous laisse donc avec Eiffel et leur reprise des Écorchés. Vous allez voir, autant Noir Désir est quelque chose de primaire et vraiment d'instinctif, de très simple et de très efficace. Eiffel, c'est aussi un groupe de Bordeaux. On va dire que c'est des musiciens un peu plus cultivés, même si ça peut paraître négatif, ça l'est pas. Mais par rapport à Noir Désir, c'est des musiciens qui sont passés par le conservatoire, notamment qu'on fait aussi de la musique baroque, notamment Estelle Humeau, donc la sœur de Romain Humeau, le leader. Et donc on entend un peu cette recherche harmonique qu'il n'y a pas forcément chez Noir Désir. On écoute et vous allez voir du coup qu'il y a quelques harmonies qui vont changer. J'arrête de parler dessus, je suis en train de vous gâcher l'introduction. Donc on écoute Les Écorchés par Eiffel. De tout, pourquoi nous entrelaçons-nous? Pour les écorcher vivre, on en a laissé vivre. Allez, enfouille-moi, passe-moi par-dessus tous les bords, mais reste encore un peu après, que même la fin soit terminée. Moi je pars allumer la mèche, c'est le train bon qui me presse dans le désert, là où il prêche et devant rien on donne la messe. Les écorchés, serre-moi encore, étouffe-moi si tu peux. Toi tu sais où après une suite et l'esquisse. On a enfoncé les baisses pour les écorcher. On a laissé les. Oh non, non, rien de grave, y'a les hématomes crochus qui nous sauvent et tous nos points communs dans les dents. Dans l'embout de peau qu'on retrouve ça et là dans tous les coins. Non, on ne cesse pas de trembler, c'est comme ça que je te reconnais, même s'il vaut mieux pour toi que tu trembles un peu moins que moi. Emmène-moi, emmène-moi, on devrait pouvoir se rendre à l'écart. Et même si on pressait pète, on devrait voir. Ouais, ouais, ouais, hey, t'as rien, enfouille-moi, passe-moi par-dessus tous les bords. On en a laissé vivre. C'était Eiffel sur RDB avec Les Écorchés, une reprise de Noir Désir. Donc voilà, j'ai lancé un petit sondage en ligne sur la page Facebook de l'émission pour savoir quel morceau vous préférez, quelle version vous préférez. Et j'ai déjà Gaëtan qui me dit, qui suggère que Eiffel, en fait, c'est la relève de Noir Désir. Et bah oui, je suis assez d'accord avec toi, même si ça s'est un peu superposé pendant un moment. Ça a été carrément ça. Eiffel, c'est vraiment le groupe, pour moi, rock français des années 2000. Et Noir Désir, ça serait plus années 90, vraiment début 2000. Mais Noir Désir, voilà, pour clore un peu le dossier et pour faire écouter un dernier morceau, je voulais quand même vous faire écouter un morceau qui s'appelle Le Grand Incendie, qui est paru donc sur leur dernier album, en fait, l'album Des Visages, Des Figures, qui a eu la drôle d'idée de sortir le 11 septembre 2001. C'est-à-dire exactement en même temps que l'attentat qui a fait tomber deux tours aux États-Unis. Et si vous écoutez le morceau, ça paraît complètement prémonitoire. Voilà, replacez dans le contexte, remettez-vous le 11 septembre 2001 et écoutez les paroles. Et vraiment, c'est presque flippant. Ça y est, le grand incendie. Y'a le feu partout, emergency, Babylone. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas dans le show, hommage à l'art pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.

J'irai glisser Ndagukunda. Je t'aime dans toutes les langues du monde. Umguanesa. Voilà, ça c'est du gros son pour prouver son amour. Donc on passe un peu du côté hip-hop. Voilà, Gaël Faye, c'est vraiment un super, super chanteur, hip-hopper, poseur, je sais pas comment on peut dire, qui a sorti un album qui s'appelle Pili Pili sur un croissant au beurre, qui date un peu déjà. Mais voilà, l'occasion était... Et ça fait longtemps que j'attendais l'occasion de passer ce morceau, pour vous dire. Même à la troisième émission, ça fait déjà longtemps que j'attends. Et voilà, vraiment un super album à écouter. C'est un métis franco-rwandais et il parle beaucoup du métissage et de la rencontre des cultures et de façon très belle. Et il parle beaucoup du Rwanda et voilà, c'est intéressant. C'est une autre culture et ça fait découvrir d'autres choses. Ça fait entendre d'autres choses et je vous conseille donc vivement son album Pili Pili sur un croissant au beurre. On continue avec le hip-hop avec un groupe qui s'appelle 232K. Et en fait, c'est donc un des membres du groupe qui m'a contacté via Facebook. Et voilà, c'est un peu l'objectif de l'émission aussi, c'est de faire découvrir des nouveaux groupes. Je trouve que c'est très chouette, donc je vous le passe tout de suite. On reste dans le hip-hop. Say my name. 232K. You're goddamn right. Des deux comparses, comparses ce qu'ils cohabitent, débitent et parsent, comparent leur style et qu'ils dépaquent et qu'ils débarquent en ville. Bro, depuis l'époque où les pauvres ont remplacé les billes. Et M6 Stat Lego, on se croirait en thérapie. Je suis le meilleur, je fais pas. Et c'était toi, tu croyais plaire à qui. Et quand c'est gigolo, parle gigot, c'est pas de cuisine. Mais depuis de go de chienne ou de garage à pine, les filles, c'est pas des jambons. Brisons l'omerta, juste après la puberté, c'est pas la puberta. Donc prudemment, quand je me la joue, je reste modeste. Et j'emmerde étant la joue à ceux qui voudraient me molester. Comme Bonnie Parker et le légendaire Clyde Polo. Les deux bonnies menteurs en fument la foule Marlboro. Maintenant c'est ma couverture à la Walter White. Pac Weisenberg, you goddamn right. Non, j'ai pas le droit du rap, juste au-dessus d'un mec normal, banal. Je sens que mes rimes sont parfois bancales. Quand je tape dans une canette, je me sens l'esprit d'un vandale. Je me suis fait hyper mal la seule fois que j'ai mis une mandale. J'arrive à me paumer bourré quand je veux rentrer au bercail. Tu trouves pas qu'il fait hyper froid? Ouais, putain, il cache. Donc je pousse sur mon skateboard, souffle dans mon Game Boy. Tu comprends rien aux années 90, mignonne. J'ai toujours rêvé d'être une tortue ninja. Mais un kawaii du manga font pas un kawabunga. Je vise la littérature, vise la littération. Pisse pas dans la nature, nique la consécration. Je suis pas la seule sensu qui te suce le sang. Ça te rappelle que tes gars sont de vrais charlatans. 18 juin c'est l'appel, je dis charlatan. J'ai de Gaulle pour tes go, c'est mon charlatan. Des brouillons par millions de rimes à rythmer. Les rides arrivent vite mais j'ai encore temps de kicker. Des brouillons par millions de rimes à rythmer. Les rides arrivent vite mais j'ai encore temps de kicker. Change la partition, change d'appart, donne ta part, c'est de l'apparition. Ou dis bois, gants, mission dans ton film d'action. Vilain Jack ou un mic et on kick tes sons. Des punchlines en carton, des phases en papier crépon. J'aurais dû être blogueur mode pour pouvoir parler chiffré. Par défaut, je trouve mes carpettes, je gerbe sur la moquette. Je m'essuie un torchon, je suis torché, je vois pas net. Nouveau brouillon, nouvelle instru, nouveau thème à trouver. Niveau boulot, je suis à la rue, je prends pas la peine de chercher. Les comptes affect dès qu'on achète, c'est qu'on admette et qu'on s'arrête. Alors j'atteste, achète une Mercedes, que c'est une majorette. T'as une musique de merde, mine de la tête. Mine de rien, tu t'entêtes et tu muses. Les filles légères me filent la gerbe. Depuis des millénaires, ma fille m'énerve. Je suis aussi le sous sensible sans se soucier des synonymes pour s'immiscer si facilement dans les instrus sur ton vinyle. DM c'est critiquement, mais pas l'anthologie. On est ton petit médicament, je suis pas la posologie. J'écris de la merde, mec, sans queue ni tête. Je suis pas un rappeur, la seule cité que je puisse citer, c'est la cité de la peur. Actuellement, je suis batteur d'un groupe de punk. Mais le reste du temps, je kick sa mère sur de lourds pistes de funk. Je fais la terre, laisse-moi faire, je perds ma pose, mes verres prospèrent. Si tu galères, lâche l'affaire, du droit me revient le tour de fer. Fier de vous faire part du fruit aléatoire des phrases qui font que je vois fondre et filer chaque seconde le soir. Rap me grime dans mes textes, farfonné fossile. Car se confier, son farfonné n'est pas une chose facile. Donc, ouais, on exagère, mais c'est bien sûr pour la déconne. Comme quand doucement de sa bête, coupe Jack sort un bout de bacon. Je déteste, je t'ai des fois, mais je kiffe le second degré. Si on fait la bande à part, c'est bien pour notre part de vrai. Des brouillons, barbillons de rimes à rythmer. Les rides arrivent vite, mais j'ai encore temps de kicker. Des brouillons, barbillons de rimes à rythmer. Les rides arrivent vite, mais j'ai encore temps de kicker. Des brouillons, barbillons de rimes à rythmer. Les rides arrivent vite, mais j'ai encore temps de kicker. Des brouillons, barbillons de rimes à rythmer. Les rides arrivent vite, mais j'ai encore temps de kicker. Science, B words. Okay, okay. Calm down, honey. Just calm down. Calm down. C'était donc 232K, un groupe dont je ne connais finalement pas grand chose. En théorie, j'étais donc en contact avec un des membres du groupe qui devait téléphoner pour faire une petite interview au téléphone en direct de l'émission, mais a priori ça ne se fera pas. Voilà, peut-être que je serai interrompu, peut-être qu'il arrivera tout à l'heure. Peu importe, voilà, c'était l'occasion de découvrir 232K. Ce que je sais, c'est que c'est leur premier EP, donc un EP c'est un album en plus court, là c'est 6 titres. Ça vient de sortir le 14 juin, donc c'est tout frais. C'est de l'autoproduction et c'est produit notamment, donc les instrus sont produits par un certain Damien Tufal, voilà, si vous voulez vous renseigner. Bon, peut-être qu'on en reparlera du coup à une autre occasion. Moi, je trouve que c'est assez frais. Il y a des trucs, voilà, des phases sympas. C'est hyper agréable à écouter. Je vous le conseille. Vous pouvez trouver sur Bandcamp. Donc, vous tapez Bandcamp 232K. Et donc, vous pouvez écouter leurs 6 titres gratuitement ou télécharger l'album pour 4 euros. On continue avec une sortie toute fraîche d'un dénommé Jack White. Vous allez me dire si vous connaissez, si vous reconnaissez la voix. C'était donc Jack White pour son nouvel album Lazerato, et donc le titre Lazerato. On va tenter un truc incroyable que j'ai jamais fait jusqu'à là en trois émissions, c'est de faire une interview téléphonique en direct. Je suis donc avec un des membres de 300... Ah voilà, j'ai même paumé ton nom. Est-ce que tu es là, tiens? Ouh là là, t'es très très très loin, très très loin. Reparle un petit peu, s'il te plaît. Bon, ben on a zéro... Eh ben merde alors. ça me rend même vulgaire, je suis désolé. Voilà, je monte téléphone, il ne se passe rien. Et ben voilà, j'avais un peu prévenu que ça allait être compliqué, mais bon, ben, je pensais pas à ce point-là. Je cherche des trucs, excusez-moi si ça, si voilà, c'est pas terrible. Tu parles toujours, j'imagine? Bon. Je suis désolé, ça sera que parti. Je vais me renseigner un peu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter de monopoliser l'antenne pour un truc qui marche pas. Je vais me renseigner et je te propose de rappeler la semaine prochaine. Je serai au point et on pourra faire ça en direct. Ça sera l'occasion de passer un deuxième morceau de ton groupe. Et voilà, je suis vraiment désolé pour ces soucis techniques, je t'entends en plus tout au fond. Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc avec le groupe 232K, dont je vais essayer de bien prononcer le nom au moins, et on continue donc, c'est pour cette semaine avec Jack White. Donc rendez-vous dans deux semaines pour 232K, un super groupe de hip-hop. On continue donc Jack White, vous avez peut-être reconnu sa voix, c'était en fait le chanteur de White Stripes. White Stripes qu'on connaît notamment pour ce titre. Vu qu'on le connaît énormément pour ce titre, je vous propose de passer à un autre titre. Ça, c'était donc Seven Nation Army, un hymne de stade de foot. On continue donc avec Conquest de White Stripes sur leur album Icky Thump. Conquest. C'était Conquest de White Stripes. Et Chloé me dit justement, à juste titre, qu'elle connaissait la chanson juste avant, donc Seven Nation Army. Et c'est justement pour ça que je ne la passe pas. L'idée étant de vous faire découvrir des morceaux et des groupes, ou de redécouvrir. Mais Seven Nation Army, on l'a tellement entendu que finalement, ça ne sert plus à rien de la passer. Alors que Conquest, qui est un morceau complètement barré, moi je le trouve assez génial. Allez, on finit avec un petit morceau de Alt J. Donc c'est vraiment un single qui vient juste de sortir. C'est un album qui a sorti son, c'est un groupe qui a sorti son premier album il doit y avoir 2 ans, quelque chose comme ça, et qui avait été élu donc l'album le plus novateur d'Angleterre à l'époque. Donc on espère que le deuxième album sera aussi novateur. On écoute leur single qui s'appelle Hunger of the Pine. Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up drawing, encased in case I need it in my stomach or my heart, chainmail, hunger of the pine. Donc sur Zikactu, sur RDB. On est presque à la fin de cette émission, il est presque l'heure, cette fois-ci j'aurai un peu de retard, voilà, je suis désolé, c'est un peu plus compliqué que prévu, hein. Forcément la radio ça demande quand même un petit savoir-faire que je vais développer au fil des émissions. Je tenais voilà, à vous remercier déjà, vous auditeurs de Zikactu, Vous êtes de plus en plus nombreux et il se développe en fait une écoute parallèle sur internet via les podcasts. Donc Zikactu va progresser, on va dire, dans ce sens-là. L'idée, c'est d'avoir une émission en direct sur la radio des Boutières, mais aussi un podcast que tout le monde peut suivre en fait, que tout le monde peut écouter à tout moment. Partout, voilà, nationalement. Le groupe qu'on a écouté tout à l'heure, c'était un groupe de Caen, 232K. Et donc, voilà, j'aimerais un peu multiplier ces interventions pour amplifier le côté communautaire. Donc, pour récapituler un peu cette émission, on a écouté Maccabée et le Zombie Orchestra, qui est un super groupe de chansons françaises swing, pop, swing, je sais pas, rock'n'roll un peu. Un très bon groupe. On a écouté Lord et Woodkid à propos des trailers d'Assassin's Creed. On a fait toute une petite épopée sur Bertrand Cantat, donc on a parlé de Noir Désir, de Détroit. Et ensuite un peu de hip-hop avec Gaël Faye et 232K pour finir avec Jack White et Alt J. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne écoute, notamment peut-être de RDB pour continuer. Vous allez tomber sur Shakira et Rihanna tout de suite. Voilà, comme ça au moins j'aurai annoncé la transition, ça sera plus facile. Et moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Ce sera précisément le 8 juillet 2014. À très bientôt.